France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Confions son corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Soucis gestionnaires, transitions funéraires, que vont les cimetières devenir ? Pour moi, un mort est mort, et le fait qu'il est mort, c'est justement le fait qu'on ne peut pas le ressusciter. Et si vous le ressuscitez, c'est qu'il n'était pas mort, tout simplement. Mais c'est un jeu de mots, on a l'impression. C'est pas un jeu de mots, ça veut dire qu'il faut une définition plus fine de la mort. La mort n'intervient pas au moment où on croit qu'elle intervient. Nous savons maintenant que la mort n'intervient pas quand le cœur cesse de battre. On le croyait au 19e siècle. Nous savons que la mort a des signes beaucoup plus fins et qu'on peut masser un cœur chez un mort, on peut le réanimer. Et en ce sens, vous croyez qu'il ressuscite? Il ne ressuscite pas, il n'était pas mort. Nous savons, la mort est plus fine et plus cachée que nous ne le pensions. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Yankelevitch, qui nous accompagne toute la semaine, au 19e siècle, en effet, rien ne paraissait présenter plus de péril que d'être enterré, mort vivant, dans un cercueil, dans un cimetière. Notre invité, Gaëlle Clavandier, bonjour. Bonjour. Ô mort, où est ton histoire ? Ça pourrait être la définition de votre travail. À moins que ce ne soit la chair, les os et les idées. Oui, merci pour cette belle entrée en matière qui résume les 20 ans déjà passés à travailler sur ces sujets. C'est vrai que ces termes sont pour moi très importants. Ils vont être l'objet d'un colloque très bientôt en hommage à Louis-Vincent Thomas. Et je les trouve assez significatifs parce qu'ils permettent en fait de traiter à la fois de la question de la matérialité, de l'hommage, du deuil et de la mémoire. Vous parlez d'un colloque consacré à Louis-Vincent Thomas. Vous en avez édité un dont vous étiez la co-animatrice. C'était à Cerisy dans la Manche. C'est un colloque qui porte le titre de notre émission. Enfin, nous avons emprunté le titre de notre émission à votre colloque. Que vont les cimetières devenir ? Vous aimez bien le travail collectif. Alors, j'ai noté, c'est sur notre site, une référence dans l'univers du net. transfune.hypothèse.org. Transfune. Oui, c'est un super projet. Là, je vous remercie encore une fois de me permettre de le présenter. Mais transfune, ça veut dire quoi ? Transition funéraire de l'Antiquité à nos jours et en Occident, parce que c'est vrai que déjà travailler sur ces questions-là, au-delà de l'Occident, sur de l'Antiquité à nos jours, vous imaginez bien la difficulté. Donc c'est un travail collaboratif avec des collègues historiens. Et l'objectif, c'est de réfléchir aux transitions funéraires. Et pour travailler sur notre transition actuelle, on a nécessité de se référer, évidemment, au passé et à l'histoire. Aux morts, où est ton histoire ? Oui. Nous, on va se borner à la France. Oui. La France va parfois se résumer, c'est souvent le cas à la marge de l'histoire, à la Bretagne. soit un village de Bretagne, Saint-Coulon, entre Saint-Malo et Cancale. D'abord un cimetière paroissial, au flanc de l'église, et ensuite, à l'extrémité du bourg, un cimetière communal, selon les obligations fixées par la loi du 24 prairial en 12... Une loi de 1804, juste avant l'Empire, préparée par toutes sortes de dispositions depuis pas mal de décennies. C'est quoi cette loi fondatrice ? Ah, c'est une loi qui doit être, à mon avis, considérée de. Alors, c'est un décret d'ailleurs, de différentes manières. Il faut prendre en compte à la fois la dimension de l'hygiène publique, qui est une modalité fondamentale pour comprendre ce décret, et voir aussi que les transitions qui ont préfiguré le cimetière contemporain inscrivent ce cimetière dans la modernité. Donc, par le biais du mouvement hygiéniste et toute cette question de la fluidité. proximité de l'air, de la mise à distance des bourgs. Et il y a aussi des odeurs méphitiques. Voilà. Et un enjeu aussi politique sur des principes d'égalité et de mise en œuvre de ces principes, notamment par rapport à ce que l'on nommait et ce que l'on nomme encore parfois les indigents. Donc c'est vrai que tout le monde a le droit à une inhumation. Tout le monde a le droit à une inhumation, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa richesse. Donc c'est vraiment ces principes fondamentaux qui ont été mis en place à ce moment-là. Mais moi, dit Émile Gautier, citoyen de Saint-Coulon, en Ille-et-Vilaine, j'ai pas été visible dans ma vie. C'est un film d'Hervé Ballet dont on va entendre un extrait. Je veux être visible dans la mort, j'ai droit à ma concession, et puis une concession très très bien placée, monsieur le maire. Je pense que il vaut mieux que ces choses-là soient réglées de son vivant. On ne connaît pas la volonté de Dieu. Je ne veux pas être surpris, voilà. Et pour tout vous dire, j'ai fait cette nuit un rêve où j'étais enterré sans tambour ni trompette. Alors je voudrais un bel enterrement de première classe. Enfin, puisque vous y tenez, je vais vous montrer les emplacements qui sont au libre. Alors, deux dans l'allée centrale. Entre les familles Maé et l'Oiseau, là, au nord-est, près de l'Osphère, il en reste trois. Et là, dans l'allée centrale, c'est... Ah, là, c'est très passant. Ah, vous aurez des visiteurs. Ce sont deux très bonnes places, et pourtant, j'ai du mal à les caser. Là, le terrain est humide. Quand on a relevé l'arrière-grand-père l'Oiseau pour faire de la place à son fils, le cercueil flottait, il y avait au moins 30 cm d'eau dans le caveau. Je voudrais vous demander autre chose, également. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aux enterrements, quand on met le cercueil dans le corbillard, on entend parfois le corps naviguer dans la boîte. Alors pour éviter cet inconvénient, je voudrais que vous preniez mes mesures pour le faire à ma taille. Paul Crochet, dans le rôle d'Émile Gautier, il veut du sur-mesure. C'est un téléfilm des années 1960-1970 où chacun commence à se préoccuper des obsèques alors que l'habitude, c'était que les proches et les enfants s'en occupent et reproduisent les gestes dont ils imaginaient qu'ils étaient communs et traditionnels. Oui, oui. Mais c'est un extrait qui est vraiment très intéressant parce qu'il manifeste justement cette transition. Parce qu'on fait quand même référence à l'enterrement de première classe, on fait référence à la sépulture qui aurait sa bonne place dans la ville des morts. Donc ça, c'est l'ancien modèle, mais aussi des préoccupations individuelles sur moi, comment je peux m'inscrire dans ce parcours-là. Et je trouve vraiment intéressant cet extrait de ce point de vue parce que je le trouve même fondamentalement précurseur, puisqu'on était plutôt 10 ans plus tard hein, sur ce type de discussion. Émile Gautier est un pionnier. Eh bien, comme quoi, oui, je trouve. Oui, mais maintenant, sur les murs de ce cimetière, il y a des arrêtés signés du maire de Saint-Coulon. Mais les concessions, elles tombent à échéance, même si vous croyez qu'elles sont perpétuelles. Et on va devoir, au nom du souci gestionnaire, oui, évacuer un certain nombre de tombes. Oui. Alors en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que la concession, vous pouvez bénéficier d'une concession et vous pouvez la renouveler. Et quand bien même vous auriez une concession perpétuelle, vous êtes obligé d'entretenir votre sépulture ou la sépulture du défunt de votre famille. Donc c'est vrai que on a, très fréquemment, une représentation complètement erronée en fait de la concession et de la concession perpétuelle, parce qu'on est bien dans un esprit gestionnaire et c'est en cela aussi que le cimetière contemporain est un cimetière moderne. Et la gestion du cimetière, j'ai parlé tout à l'heure des principes hygiénistes et également des enjeux politiques d'égalité, mais il y a aussi ce fondement d'organisation et de gestion du cimetière et de police aussi funéraire qui est géré par les communes, puisque le cimetière dont on parle, c'est bien le cimetière communal. Mais vous voulez dire que la concession, ce serait presque une exception ? Ah, la concession, oui. Dans le texte réglementaire, dans le décret de 1804, oui, effectivement, la concession est une exception. C'est le terrain commun, c'est le terrain, le champ des morts. Hein. Je fais référence ici à une expression qu'utilise très souvent Régis Bertrand. Ce champ des morts est ce qui a animé, en fait, le législateur quand il a pris cette décision-là. Et la concession a été malgré tout, ou l'idée de la concession a été malgré tout garder pour permettre aux grands hommes et aussi dans l'esprit du maintien de la famille et des liens familiaux par-delà le décès. C'est aussi pour cette raison que la concession a été maintenue, enfin maintenue, le principe. Et pour autant, ce modèle qui allait plutôt du côté du terrain commun, du point de vue du texte réglementaire, et aujourd'hui, du point de vue des normes, vraiment, le cimetière est devenu un espace de concession et non pas de terrain commun. Donc on est quand même un peu chez soi. Mais on est chez le maire. Oui. Alors, un autre exemple, vous permettez qu'on le prenne en Bretagne. Alors, je sais que dans votre colloque à Cerisy, chez Hermann, vous prenez davantage d'exemples en Normandie. Je suis ardéchoise. On pourrait parler du cimetière marin de Granville qui s'affaisse. Il y a une faille qui peut devenir une fracture et puis les tombes risquent de passer à la mer. Mais là, à Roscoff, le cimetière marin, il tient. Sauf que le maire, il y a une dizaine d'années, s'est mis dans la tête d'en faire un jardin paysager. Reportage de Jean Kergrist au moment où la polémique naissait. Vous l'avez deviné, nous sommes dans un cimetière. Mais vous n'entendrez pas l'image d'Épinal qui est d'habitude consacrée au montage sonore dans les cimetières, les pas crissant sur le gravier, car ici il n'y a pas de gravier, que du sable. Et vous allez voir que ce sable, dans ce cimetière, joue quelques mauvais tours. On se croirait sur un bateau, toutes les tombes sont, ou presque, sont de guingois. Et nous sommes en effet pas très loin d'être sur un bateau. Et juste en face, la mer, avec l'île de Bas. Nous sommes en plein nord du Finistère, à l'extrême pointe de Roscoff, au cimetière du Ville. On aperçoit au large, à gauche de l'île de Bas, des immenses cargos qui commencent à manœuvrer pour emprunter le rail d'Ouessant, devenu passage obligé depuis le début des années 80 suite au naufrage de la Moco Cadiz, et emprunté journellement par plus de 150 cargos. Des naufrages ici, il y en a eu des dizaines. Et ce cimetière du Ville, à Roscoff, où nous nous trouvons, en est en quelque sorte leur mémoire. On trouve 10 marins de commerce aux pêcheurs, mais ça va aussi du capitaine de Lancourt au marin pêcheur. Il y a 4 maires de Roscoff, il y a 18 genies, 2 médecins, 7 prêtres, 4 enseignants, 2 artistes peintres, une algologue, un directeur de la station biologique. Ainsi parle un aristocrate candidat vert aux élections qui ne voulait pas du transfert du cimetière. Il a gagné d'ailleurs avec le concours de la station scientifique du CNRS de Roscoff. Mais c'est dans le pouvoir d'un maire quand même de transformer un cimetière en jardin paysager, d'évacuer les tombes, de les mettre ailleurs, de garder quelques monuments, des bancs pour se promener. C'est le pouvoir du maire. Oui, c'est le pouvoir du maire, mais c'est vrai qu'à écouter ce reportage, j'ai trouvé ce petit extrait très intéressant je reviendrai sur votre question, mais ce miroir entre le cimetière des hommes et le cimetière des bateaux, et ça évoque une image où on se rend compte que le cimetière, il appartient à tous. Et certes, c'est le pouvoir du maire, c'est de gérer ce cimetière-là, c'est effectivement de prendre des décisions, mais il les prend pas seul, il les prend avec ses administrés. Et là, en l'occurrence, l'image est telle qu'on comprend aussi qu'il ait pu avoir des formes de mobilisation pour conserver ce cimetière qui dit quelque chose du territoire, en fait. Et je ne sais pas si on avait voulu mettre des sans-abri au cimetière. Dans celui-ci ? Ou un autre. Mobilisation sociale se serait produite, je ne sais. En fait, dans l'ensemble des cimetières français, les sans-abri ont leur place. Ils ont sans doute leur place dans les rues en France, mais ils ont leur place dans la ville des morts. Et leur place a été pensée dès le décret de 1804, et c'est aussi pour ça qu'on parle de champ des morts, c'est-à-dire que face à la mort, tout le monde a le droit à une sépulture. À l'époque, c'était l'inhumation, et la loi de 1887 sur la liberté des funérailles, c'est toute personne humaine, donc quelle que soit sa grandeur, quel que soit son parcours de vie, tout le monde a sa place au cimetière. Alors par contre, le terrain commun est gratuit pour tous, mais pour une durée de 5 ans. Donc c'est sans doute sur la durée et sur les formes que peuvent prendre le souvenir. Mais bien sûr, tout le monde a sa place dans le cimetière. Puisqu'on parle droit l'origine, le cimetière républicain ne prévoyait certes pas des zones confessionnelles. Non. Non. Et peu à peu, elles se sont établies. Si vous allez au cimetière de Pierrefitte, au cimetière de Thiers, vous avez des espaces confessionnels. Oui. Oui, mais le décret de 1804, alors les arrangements à l'époque n'étaient pas ceux que l'on connaît aujourd'hui, et les ajustements n'étaient pas identiques, mais il prévoyait des espaces confessionnels. En 1804. C'est le principe de neutralité qui intervient près d'un siècle plus tard, en 1881, et ensuite la loi de 1905 qui inscrit le principe de neutralité. Mais pour autant, depuis les années 70 essentiellement, on a vu réapparaître dans les cimetières, le cimetière laïque et républicain et communal français, des carrés, pas toujours des carrés confessionnels d'ailleurs, qui parfois préexistaient, et notamment des carrés dits musulmans. Mais également, on a des carrés bouddhistes. Et c'est vrai qu'à Thiers, on a des, notamment sur les cimetières les plus récents, on voit ces carrés et l'évolution de ces carrés de manière assez significative. Et c'est très intéressant à étudier. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, on l'annonçait, c'est le lien entre la transition funéraire et la transition écologique. Bretagne encore, vous permettez ? Denez-Préjean. À Kerlirzine, au milieu du cimetière, je traduis, hein, on va entendre la gouverse en breton ensuite, un large tombeau réunit deux amoureux. À chaque coin, on a planté un pommier, donc des arbres, où viennent nicher les oiseaux, donc des oiseaux, parmi lesquels un merle qui fredonne jour et nuit. Il y a maintenant un carré LPO, NIG, de protection des oiseaux, dans un cimetière à Lyon. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La société des vivants et celle des morts, c'est notre thème cette semaine. C'est le thème des travaux depuis peut-être 20 ans de notre invité Gaëlle Clavandier qui étudie le mourir, la mort, c'est pas la même chose. Et nous sommes aujourd'hui sur la question des cimetières. Après la mort, ça ne nous étonne pas qu'il y ait à Lyon un endroit labellisé LPO. Parce que les oiseaux peuvent maintenant se dissimuler dans les hautes herbes et pas seulement en haut des pommiers. Oui, oui. Mais c'est vrai que beaucoup d'urbanistes aujourd'hui envisagent le cimetière de demain comme des poumons verts dans nos territoires et dans nos villes. Et poumons verts, mais aussi espace de, par rapport à la question du réchauffement climatique, la possibilité aussi de diminuer de quelques degrés les villes pendant l'été. Mais il y a aussi la question de la biodiversité, et ça c'est très intéressant, mais qui risque de devenir un problème justement pour les gestionnaires de cimetières. C'est que des espèces aujourd'hui apparaissent dans ces milieux qui se sont beaucoup diversifiés à partir du moment où les programmes Zéro Phyto sont mis en place, avec des oiseaux, mais aussi des renards, avec des rongeurs et avec tout un tas une faune en fait qui apparaît dans les cimetières. Le refuge pour les couleuvres qui disparaissent. Oui, probablement, le refuge pour tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de la légalisation du compost humain? Ça s'est fait dans l'État de Washington, aux États-Unis. Oui, oui, oui. Ben, il y a tout un tas de techniques. Alors, c'est vrai que moi, je suis sociologue. Alors, je suis plutôt sur le constat des pratiques actuelles. On peut anticiper beaucoup de choses. Il y avait aussi des principes de bétonisation des morts au début du XXe siècle. De bétonisation des morts. Oui, c'est-à-dire de mettre dans le béton les corps humains. Donc, on voit aussi combien le cimetière et les pratiques funéraires font écho à la fois à l'imaginaire et aux techniques contemporaines. C'est un sismographe, quoi. Oui. Exactement. Donc je n'ai pas de point de vue arrêté sur ces questions-là. Cependant, le matériau que nous rendrons aux familles après compostage est très semblable au terreau que vous pourriez acheter dans votre pépinière. Oui, c'est vrai. Je n'irai pas au-delà parce que ça m'évoque quelques images, voilà, en tant que personne. Mais c'est vrai qu'en tant que chercheur, voilà, c'est des pratiques qui, pour la plupart, ne seront pas appelées à se développer. Ça vous évoque des images en tant que personne. Il faut tenir à distance l'expérience émotionnelle quand on travaille sur la mort. Comme oui, vous. C'est vrai. C'est vrai, c'est une vraie difficulté, parce que là, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille sur ces sujets-là, et je travaille sur la trajectoire des corps, donc qui implique justement de se confronter à la réalité matérielle de ce que sont les corps, et pas simplement à la question davantage immatérielle du souvenir, voire du deuil, qui sont des questions fondamentales, mais beaucoup plus travaillées aujourd'hui. Donc, et puis, on manque d'un corpus de chiffres. Par exemple, dit votre co-auteur, le co-animateur de votre colloque « Que vont les cimetières devenir ?» chez Herman, on n'a pas d'études très précises et chiffrées, et vraiment indiscutables, de l'empreinte comparée de l'inhumation et de la crémation. Oui. Alors ça, c'est une question, je vous remercie vraiment de me la poser, parce que c'est une question plus large. J'essaie de répondre très très vite. On n'a pas de chiffres sur le nombre de soins de conservation qui sont pratiqués en France aujourd'hui. On ne sait pas où vont les cendres malgré la loi de 2008. Et effectivement, sur l'impact de la crémation et de l'inhumation aujourd'hui, on a souvent défendu que la crémation était une pratique plus écologique, mais à partir du moment où on réalise des soins de conservation sur les corps avant de les crématiser et que ça nécessite l'usage des filtres et que les crématoriums aujourd'hui sont obligés aussi de réfléchir à cette question de la pollution, ça montre bien effectivement qu'on manque de données, cruellement. Mais un crématorium, c'est une entreprise de dissimulation, c'est-à-dire que les effluents peuvent être toxiques, il y a des machines dans les sous-sols, et l'objectif c'est de cacher la machinerie. Ah, alors, de dissimulation, ça pourrait donner l'impression qu'il s'y passe des choses qui ne sont pas très recommandables. Il y a une régulation, et notamment d'un point de vue réglementaire, très importante. Par contre, je pense que vous faites écho à autre chose. C'est plutôt le cheminement, et en tout cas, moi, ça m'évoque, cette question m'évoque cela, c'est le cheminement du corps, et comment, à un moment donné, un corps mort entre et ressort en poussière ou en cendre. Et il est vrai qu'au terme de la crémation, il faut accomplir un certain nombre de gestes pour arriver à... Gestes qu'on dissimule derrière un écran de fumée. Ces gestes-là, oui. Mais par contre, parce que ça faisait écho à votre première question sur la pollution, pour rassurer les personnes qui habitent à côté d'un crématorium, voilà, il y a une réglementation quand même très poussée sur les filtres. Alors, est-ce que tout est calme et sensibilité dans les nouveaux cimetières écologiques? Nous sommes encore en Bretagne, vous connaissez celui-ci, c'est le jardin de mémoire doré. Quel arbre est le vôtre? Le chêne rouge qui est plus haut. Un chêne rouge parce que nous sommes originaires de la Picardie. Et en Picardie, il y avait de très beaux chênes rouges, notamment dans le parc à Compiègne. Et j'ai pensé que ça ferait plaisir à mon mari d'être sous un arbre de sa région. C'est difficile de vivre sans son compagnon? Très, c'est insupportable. Moi, personnellement, nous avons été mariés 53 ans. C'est un compagnonnage de longue date. Et on ne faisait plus qu'un, finalement. Vous êtes coupés en deux. Il avait commencé une maladie d'Alzheimer. C'était le tout début. Et il restait dans le salon, dans l'obscurité, et il écoutait la musique. Pour lui, c'était... Et moi, ça m'aide encore aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé, la musique et le jardin. Les deux merveilles de ce monde, finalement. c'est vrai. C'est comment ? Je sais que je serai là. J'ai 79 ans, donc je ne vais pas résister encore une vingtaine d'années, je ne pense pas que je serai là. Alors ça fait un peu bizarre. Et donc de penser que mes cendres vont nourrir un arbre, ça me ravit finalement, parce qu'être dans un caveau, vous ne servez pas à grand-chose. Là, c'est une continuité, vous nourrissez les racines de cet arbre. C'est pas beau, ça? Reportage d'Élise Andrieux, France Culture, les pieds sur terre, j'ai bien dit, les pieds sur terre. Oui, oui. Gaëlle Clamandier. Oui, mais c'est vrai que cette continuité, on plante des arbres à la naissance des enfants, et là on voit cette personne, voilà, traduit cette continuité à la fois dans le rapport de couple, et puis la continuité par rapport à la vie qui continue malgré le décès de la personne. Donc c'est vrai que ce sont des images qui sont très émouvantes et qui traduisent aussi l'évolution justement du rapport à la mort, où cette dimension intime et cette dimension émotionnelle est très forte aujourd'hui. Mais la vieille expression bouffer les pissenlits par la racine, mm-hmm. du coup, ne peut plus être utilisé. Bah, vous nourrissez. Tout est inversé. Oui, c'est vrai. Ou alors vous nourrissez les pissenlits par la racine, quoique je ne sais pas si le calcius broyé issu de crémation permet de nourrir les pissenlits. Mais effectivement, on a d'autres images en tête, sans doute. Mais là, nous décrivons des transitions douces. Le parti, je parle de la Chine, d'ici à 2020, souhaite que 50% des funérailles soient vertes. C'est-à-dire pratiqué avec des moyens biodégradables. Les stèles, jusque-là conservées pour indiquer le lieu de repos du défunt, disparaîtront puisque la crémation sera suivie quasi obligatoirement de dispersion. Et sans lieu de recueil, eh ben, on ne consommera pas de pierre et de bois inutilement, et puis les traditions funéraires disparaîtront. Derrière tout ça, il y a quand même l'idée, il ne faut pas embarrasser la planète, vous voyez, il ne faut pas embarrasser la Chine, il ne faut pas embarrasser les vivants par les morts, place aux vivants. Oui, il y a deux choses. Il y a à la fois, ça rappelle la dimension politique de la mort, qu'on a tendance justement à oublier et qui contrebalance cette vision intimiste. Et effectivement, il y a tout ce discours ambiant, mais qui est un discours que l'on observe aujourd'hui dans toutes les enquêtes qui sont réalisées, même en France, sur l'idée que les morts ne doivent pas embêter les mourants, les vivants, ou les mourants d'ailleurs, mais en tout cas... Ne dites pas aux vivants qu'ils sont mourants. Oui, non. Dans l'idée que... J'ai perdu mon idée. C'est avec ce qu'ils votre... veulent pas entendre, oui, qu'ils sont mourants. Oui, tout à fait. Mais le discours ambiant. Oui, oui, voilà. Ce discours ambiant, à mon avis, est totalement contre-productif, parce qu'en fait, ça fait porter la charge... des vivants, la charge qu'ils ont apportée est celle du deuil. Alors même que mettre les morts quelque part permet aussi de se soulager, sans doute à titre individuel, de ne pas avoir nos morts familiaux dans la tête et dans le cœur, comme les recommandations vont plutôt vers ce type de... Oui, mais vous me direz, vous étudiez beaucoup ça dans votre colloque, oui. Hermann, que vont les cimetières devenir. Les morts peuvent toujours se rappeler au bon plaisir des vivants, parce qu'il y a les vidéos, les messages audio de l'outre-tombe. Le cimetière numérique. Oui. Alors, il y a deux éléments. Il y a à la fois le cimetière numérique au sens où la gestion des cimetières sont en train de se numériser et où dans les cimetières, on peut, par l'intermédiaire de QR code, etc., se rappeler la mémoire des défunts. Mais là, on est dans quelque chose qui est relativement élaboré. Après, évidemment, il y a une autre question, c'est... où s'arrête la personne humaine et ne perdure-t-elle pas après le décès de la personne, notamment par rapport à la présence des sites et des réseaux. Et la question qui se pose, on le voit notamment sur les pages Facebook et les... Les pages Facebook des morts. Des morts, oui. Gérées par des vivants. Gérées par des vivants ou fermées, clôturées. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est, ça n'est pas rien que de clôturer une page d'une personne qui a été... Et puis on n'a pas parlé de la patrimonialisation des cimetières, un des plus grands cimetières de France jusqu'à Thiers et Bagneux. C'était à Marseille, le cimetière Saint-Pierre, qui s'était installé pour prendre la relève du cimetière Saint-Charles englobé par la ville et qui est l'objet de promenades patrimoniales. Il y a des sépultures et des monuments qui sont exceptionnels. Et bien évidemment, pas complètement à l'instar du Père Lachaise, mais on a aussi des circuits, et notamment pour la journée du patrimoine, pour faire des visites. Et les personnes aussi, de façon individuelle, peuvent venir voir les merveilles que nous avons dans notre cimetière. Moi j'aime bien, quand je fais ma visite du cimetière avec les visiteurs de l'Office du Tourisme, j'appelle ça une visite sans concession, vous voyez, pour qu'on soit tout de suite dans l'ambiance. C'est pas du tout morbide, il faut que, enfin, il y a des gens qui sont allergiques, je le comprends très bien. Mais là, on est là pour un peu distraire les pensionnaires, quoi, parce qu'ils s'ennuient pas mal. Mmh. Et c'est incroyable, parce que les cimetières, c'est toujours des sujets où on est toujours au bord du fou rire. Vous savez, les enterrements, c'est bien connu et tout. Alors, il faut respecter les gens qui sont là, bien sûr, mais il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher. Quand on a inauguré ce cimetière, le premier inhumé, la mairie a dit, mais qui on va inhumer en premier ? Elle a dit, ben, on va faire un acte charitable, humanitaire, on va tirer au sort un des soldats de la guerre de Crimée qui n'a pas de sépulture. Et on l'a tiré au sort, c'est tombé sur Joseph Henry, mort. Ah, voilà. Super. Quand on voit la tombe de Vincent Scotto avec Alibert, qui était son gendre, et une jolie petite guitare, très joli tombeau. Vincent Scotto avait voulu une épitaphe, et puis sa femme n'a pas voulu au dernier moment, elle n'a pas respecté ses dernières volontés. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Pourtant, elle était bien son épitaphe. Et c'était, du coup, qu'est-ce qui était écrit ? Toute ma vie, j'ai composé, aujourd'hui, je me décompose. Ah, pas mal. Bon, c'est vrai que c'est un peu morbide après. Mais du coup, qu'est-ce qui est écrit sur la tombe de Vincent Scotto ? Ah, rien du tout. Rien du tout, juste leur nom. Jean-Pierre Casselli à Marseille. Alors, dans un genre qui n'est pas comique, mais carrément risible, je recommande les promenades qu'organise pour le printemps. La ville de Paris, dans les cimetières, en parler ne fait pas mourir. Vous êtes tapophile ou simplement curieux. Testez vos connaissances en défiant l'Ancou, le personnage de la charrette qui annonce la mort en Bretagne toujours. Et vous participerez ainsi à notre funérale poursuite. C'est une initiative de la ville de Paris dont on notera la singularité. Merci à vous, Gaëlle Clavandier. Merci à vous. On vous invite toujours cette semaine de la Toussaint. Exactement. Alors que vous travaillez toute l'année. Depuis 20 ans que vont les cimetières devenir chez Hermann. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Aurore Juvenel, Ilinka Negulesco, Adèle Kaito. Il est 15h, vous écoutez France Inter. On salue Audrey Ripouille et Maxime Ingrand.